Le présidium du comité central de la Chongnyon, association générale des Coréens résidant au Japon, a adressé le 30 juillet une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. La lettre indique notamment « À la nouvelle de la fête nationale marquée par la réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, nous éprouvons de la reconnaissance infinie envers le maréchal Kim Jong-un, symbole de notre avenir et de notre destin. » À l'heure actuelle, nous constatons à tous les moments au Japon les Américains qui, apeurés, disent des balivernes devant le lancement de la dernière fusée balistique que le maréchal a fait livrer comme sévère avertissement aux Américains qui lancent des propos insensés et téméraires. Nous autres compatriotes coréens au Japon sommes parfaitement convaincus que grâce au grand promoteur de Sun Gun, le jour historique de la victoire finale de la cause du Tse est imminent. Infiniment fier d'être citoyen d'outre-mer de la puissance Pectusan sans rival qui assène les coups foudroyants aux États-Unis et à leurs suivistes se démenant pour supprimer notre dignité et notre droit à l'existence jusqu'au moment où ils présentent les capitulations et qui progressent tempétueusement pour réaliser à tout prix la victoire finale, la Chongnyon et les Coréens au Japon partageront la pensée et les efforts avec notre patrie.